Chapitre 3e. Le soir, il y avait chambré sélecte, comme on dit si drôlement aujourd'hui, qu'il est de bon goût d'émailler notre vieille langue française de vocables baroques empruntés aux pays voisins. Tout le monde savait que Bataille de Dames, la pièce de chose, était une parfaite ineptie, bien que son ami Machin l'eût retapé à fond. Mais il y avait exhibition de petites femmes très galamment habillées, ou plutôt déshabillées, les échos des journaux mondains les assaisonnaient au piment depuis une quinzaine de jours, et les plastrons blancs de l'orchestre se gondolaient, portés beaux dans l'attente de cette mirifique attraction. Les habitués de ces solennités parisiennes arrivaient à la queue leu-leu, dérangeaient l'un, faisaient lever l'autre pour gagner leur fauteuil, échangeaient des poignées de main, affectaient de bavarder sans s'occuper des « chut » ou bien des « assis » réitérés des spectateurs pour de bon venus là pour le spectacle lui-même. Audacieusement décolletée, couverte de bijoux, lançant d'éblouissantes fulgurations, Andréa Larosse fit une entrée tapageuse dans une toilette extraordinaire, d'une nuance chaudron inédite, et tirant l'œil comme un morceau de soleil couchant. Près d'elle, se carrait Guide Maltaverne, toujours un peu ravagé, mais d'une distinction insolente, avec sa tête hautaine, ses moustaches de chat, son crâne dégarni. Désiré Mouton, dit Mouche à Bœuf, le millionnaire imbécile qui faisait à Andréa une cour des plus colorées, s'essayait à imiter son ami et formait la plus amusante des caricatures. Ravi du succès d'Andrea, il se pavanait comme si la belle fille eût été sienne, et il semblait dire « Oui, voilà comment nous sommes, nous autres. Des madames de ce numéro-là, c'est pas vous qui pourriez les approcher, hein ?» L'attention du public, un moment distraite, se reporta sur une petite actrice qu'on voulait lancer et qui miaulait d'une voix vinaigrée. « Oui, je suis le délégué du petit dieu Cupidon. » C'était idiot, et les gardénias de l'orchestre applaudissaient avec des ricanements qui brusquement cessèrent. Germaine, toute seule, sans pause, très simplement, s'asseyait devant la balustrade en velours grenat. Aussitôt, le costume chaudron d'Andrea, le filet vinaigré du délégué furent oubliés. 500 lorgnettes se braquèrent sur la merveilleuse créature que nul, sauf mon Dieu, ne connaissait. Sans être aucunement intimidée, aussi calme que 5 jours auparavant au bois de Boulogne, elle voyait sans regarder, s'intéressait ni trop ni trop peu à la pièce, ni gobeuse, ni blasée, parfaitement correcte, et ne paraissant pas se douter qu'elle fût si splendidement belle. Une beauté si incomparable, et pourtant une parure bien difficile à porter. Il y eut des interrogations qui se chuchotèrent d'un bout à l'autre des fauteuils, malgré les grognements des spectateurs des galeries. Les reporters, stupéfaits de cette apparition inattendue, restèrent béants, prêts à cueillir au vol la première information venue et s'arrangeant déjà pour trouver des trucs d'interview. Mais qui est-elle? Savez-vous son nom? D'où elle vient? Seule, à l'exclusion de mon Dieu qui se ménageait un succès, M. de Chamboé, Serge Roxikoff, l'attaché d'ambassade, et Maurice Vandol eussent pu répondre. Mais Bamboche avait d'excellentes raisons pour se taire. Serge venait de partir en congé. Maurice, tout pâle, l'air anxieux, regardait toujours l'avant-scène de seconde de gauche, qui demeurait vide, béante, comme une entrée de caverne. Incapable de jalousie, bonne fille, toujours triviale, et paginée pour dessous, Andrea, très sincèrement, admirait la nouvelle venue. « Oh, vrai, on n'est pas belle comme ça. Vois donc, Guy, vois donc aussi toi, Mouche à Bœuf. Une qui nous dégotera toutes, sans avoir à s'en donner la peine, si elle a besoin de la forte somme. Admirable !» fit Guy dont l'œil luisait derrière un carreau de verre. Belle, sans doute, fit Désiré Mouton, croyant faire sa cour à Andrea. Mais je la voudrais un peu plus parée. Elle n'a même pas de bijoux. Toi qui as étudié dans ta province le manuel du parfait crétin, tu ne peux pas comprendre ça. Il te faudrait les dames de ta sous-préfecture, avec la quincaillerie cossue des grands-mères. Mais cette simplicité même qui nous démonte et nous enrage, nous autres piafeuses. Elle n'a rien aux oreilles, rien au cou, rien aux poignets. Elle montre juste assez de sa peau pour qu'on voit que c'est à la fois du lait, de la nacre, de l'ivoire, de la crème, tout ça pétri avec un peu de pétales de rose et mieux encore. Elle ne porte pas de bijoux, mais il y a au manche de son éventail un bouton de carafe pour lequel je donnerais ma rivière et mes boutons d'oreille. Et avec ça, quelle attitude pleine de grâce, de nonchalance et de majesté. Non là, c'est à dégoûter d'être femme. Le rideau tombait à ce moment. Et la phrase réaliste mais enthousiaste d'Andrea se perdait dans les bravos et les bruits multiples qui s'élèvent d'une assemblée redevenue libre. Partout, il y avait une curiosité ardente, que le mystère exaspérait encore et dont Germaine était l'objet. des reporters couraient dans les couloirs, interrogeaient les ouvreuses, essayaient de se faufiler jusqu'à la porte de l'avant-scène qui demeurait hermétiquement close. On vit tout à coup Germaine se retourner et tendre la main à un homme qui respectueusement la saluait après avoir franchi cette porte si bien défendue. « Mon Dieu ! C'est mon Dieu ! Pas possible ! Lui ! Toujours lui !» Beugin et Francorville n'en pouvaient croire leurs yeux et bruyamment s'exclamaient. Tous les boulevardières enchérissaient et s'apprêtaient à mitrailler de questions l'heureux élu dès qu'il reviendrait prendre sa place. Il ne fit du reste que paraître et disparaître. Resta au plus 2 minutes dans l'avant-scène et céda la place à un jeune homme de belle et fière mine qu'il ne connaissait pas. Il l'inventoria cependant au passage d'un coup d'œil profond, scrutateur, aigu, et d'instinct, soit antipathie naturelle, soit jalousie, se mit à le haïr furieusement. Et Germaine, qui avait accueilli le comte avec une froideur polie, sourit affectueusement au jeune homme qui semblait en proie à une incurable tristesse. « Et quoi, Maurice, toujours aussi désolé ? » dit-elle de sa douce voix. « Oui, Germaine, toujours. Songez aussi que je ne l'ai pas vu depuis 4 longs mois. » Que j'ai à peine de loin en loin et indirectement de ses nouvelles. Vous allez la voir bientôt, dans un moment. Mais savez-vous quel est l'homme que vous venez de rencontrer en entrant ? Non, Germaine. C'est son père, le comte de mon Dieu. Vous le connaissez donc ? Oui, fit Germaine dont les paupières battirent et dont la main se crispa sur le velours. Il m'a lancé un regard. Tenez, Maurice, interrompit tout à coup Germaine. Avais-je raison de vous dire d'espérer ? Ah ! « Mon Dieu, Suzanne !» fit Maurice, dont le visage resplendit en voyant son amie pénétrer dans l'avant-scène, faisant face à celle de Germaine. « Merci, Germaine. Merci, oh que vous êtes bonne. Permettez-moi de vous quitter de suite, de courir là-bas près d'elle. » Attendez que l'acte soit commencé. Le comte, vous voyant près de sa fille, arriverait de suite et romprait votre entretien. Je le garderai ici, et vous aurez au moins 3 quarts d'heure à vous. Quand le rideau fut levé, quand l'exhibition des petites femmes débitant leurs inepties navrantes eut commencé, Maurice prit congé. Le comte, auquel Germaine avait permis d'entendre le second acte près d'elle, rentra, croisa le peintre et lui lança un nouveau regard chargé d'une haine mortelle. 5 minutes après, il pénétrait dans l'avant-scène occupée par Suzanne et Madame Charmé. Il se dissimulait autant que possible dans l'ombre et là, sans plus s'occuper de la salle comble, des choses bébêtes qui se débitaient sur la scène, goûtait l'ivresse ineffable du délicieux tête-à-tête ménagé par Germaine. Pendant ce temps, le comte, avec son esprit de démon, se constituait le cicérone de la jeune femme et, en quelques mots incisifs, lui faisait à l'emporte-pièce la biographie des mondains et des mondaines qui emplissaient une partie de la salle. Brusquement, sa verve tomba. Germaine le vit nerveux, préoccupé, mordillant sa moustache et visiblement en proie à une émotion qu'il cherchait en vain à dissimuler. Il venait d'apercevoir derrière Suzanne, dans la pénombre, Maurice, dont la mâle physionomie reflétait une félicité que nulle expression humaine ne pouvait définir. Suzanne l'écoutait en souriant, délicieusement émue, le regardant parfois avec une tendresse à laquelle on ne pouvait se tromper. Évidemment, ces deux braves jeunes gens s'aimaient, s'adoraient. D'abord, le comte avait éprouvé une sorte de soulagement en voyant que le jeune homme n'était point, comme il l'avait craint, un soupirant, peut-être un rival préféré de Germaine. Puis il sentit qu'il était celui dont lui avait parlé Suzanne, ce peintre, ce barbouilleur de toile qui osait aspirer à la main de sa fille. Et soudain, il comprit qu'il y avait entre lui et Germaine une complicité. Cette avant-scène que Germaine l'avait presque forcé d'accepter pour Suzanne, cette visite de Maurice à la jeune fille, puis son entrée dans la loge de sa fille, les allées et venues qu'on semblait lui cacher, tout cela expliquait une connivence trop visible. Mon Dieu se sentit joué, puis battu, et soudain songea à prendre une revanche terrible. Pour des motifs ténébreux, insoupçonnés de tout le monde, il voulait que sa fille ou ne se mariât pas, ou épousât un homme de son choix. Ce projet, intimement lié à sa vie de réprouvée, lui tenait tellement à cœur qu'il faisait partie intégrante de son existence et assurait jusqu'à un certain point sa sécurité. Aussi, on comprendra sans peine sa fureur quand il s'aperçut qu'il était berné comme une ganache et qu'on le bravait avec un sans-gêne auquel il n'était pas habitué. Quel intérêt peut bien avoir Germaine à favoriser le tête-à-tête de Suzanne et de ce Gaudelureau ? Se demandait-il, tout en marivaudant avec son entrain de mondain habitué à cacher ses impressions. En vérité, c'est étrange et je n'y comprends rien. Averti par son instinct de femme de l'orage qui grondait dans le cœur de ce misérable, Germaine, qui interceptait les regards mauvais dardés par lui dans la direction de l'avant-scène, joua le tout pour le tout. « Oui, » dit-elle à brûle-pourpoint, en saisissant pour ainsi dire au vol un de ses regards froids et durs. « C'est moi qui ai réuni ces deux enfants qui s'aiment si noblement, si saintement. » Ce n'est pas par un vulgaire caprice de femme aimant à servir l'intermédiaire au mariage. L'homme est un ami, un grand artiste, un brave cœur auquel je conserve une reconnaissance infinie. Il fera le bonheur de cet enfant, qui depuis longtemps pleure et se désespère. Comte de mon Dieu, j'ai bien le droit de vous adresser une prière. Où voulez-vous en venir, Germaine? À obtenir votre consentement à leur union. Je vous le demande sans embâge et sans phrase, parce que cela me paraît juste. Et que vous n'avez aucun motif de refus. Qu'en savez-vous? N'essayez pas de discuter, de chercher de mauvaises raisons. Vous savez bien que je suis incapable de mentir et de commettre une action au moins équivoque. Accordez ce que je vous demande. Mais enfin, quel intérêt avez-vous? Un intérêt purement moral, je vous l'affirme. Payez ma dette et assurez le bonheur de Maurice Vandol et de Suzanne. Le comte eut l'air de réfléchir, et contempla longuement Germaine qui frémit sous ce regard chargé de désir qui lui rappelait l'effroyable scène de la maison de Lichamort. Puis il ajouta, scandant ses paroles comme pour les faire pénétrer plus profondément dans l'âme de son interlocutrice, peut-être pour dissimuler cette émotion qui faisait vibrer sa chair et l'affolait. « Et si je consentais, Germaine, seriez-vous toujours aussi rebelle à cet amour insensé qui me hante? Tenez, je suis franc, seriez-vous à moi ?» Voulez-vous vendre cet enfant? Faire d'elle comme l'enjeu d'un trafic infâme? Je vous aime. Me faire à moi une violence morale? Je vous aime. Souiller enfin d'une pensée impure cet être si frêle, si bon, si doux, et qui est de votre sang? Puisque je vous aime, répliqua le comte avec un emportement sauvage, d'autant plus effrayant qu'il parlait d'une voix basse et contenue. C'est une raison, cela, n'est-ce pas? Je veux que vous obéissiez sans condition. Vous me devez bien cela, dit-elle avec un sourire qui dissimula l'horreur profonde qu'elle devait ressentir pour son bourreau, et littéralement l'affola. Mais si je consens, et je n'en suis pas éloignée, par amour pour vous, eh bien après, m'écouterez-vous, plus favorablement. Je ne m'engage à rien. Vous savez ce que je vous ai dit. Nous verrons. Mais assez de ce marchandage, ou jamais. Vous entendez? Jamais je ne vous revois. Soit, je consens. Est-ce que dans les délais légaux, Maurice Vandol épouse Suzanne de Montdieu? Oui, je vous crois. Et tout à l'heure, je veux annoncer moi-même à mon protégé cette bonne nouvelle. Vous le pouvez, Germaine. J'ai bien des défauts, bien des vices, mais je n'ai jamais manqué à ma parole. Maintenant, l'acte va finir. Permettez-moi de prendre congé de vous. Mon futur gendre va venir, et je n'ai pas assez de force sur moi pour ne pas lui faire encore grise mine. Vous comprendrez cela, n'est-ce pas? Ces paroles, prononcées d'un ton léger, firent une illusion complète à Germaine, qui en fut entièrement la dupe, sans soupçonner quel projet terrible venait de surgir tout à coup dans l'âme du bandit, qui ne reculait jamais devant aucun crime. Pendant ce temps, Maurice Vandol s'apprêtait à retrouver Germaine que Suzanne, tout entière à sa pensée, n'avait point aperçue, et que d'ailleurs, elle ne pouvait pas reconnaître en pareil lieu. Timide à l'excès, elle était un peu enfoncée dans sa loge, n'écoutait, ne voyait que Maurice, et dans sa joie de le revoir, demeurait étrangère à tout ce qui se passait autour d'elle. La toile venait de tomber. Le comte de Montdieu, sollicité par ses amis, ne savait que répondre aux réflexions que chacun lui faisait relativement à la belle inconnue et que les reporters écoutaient de toutes leurs oreilles. Le vicomte de Francorville, Jean de Beugin, se cramponnait à lui et suppliait qu'on les présentât. « À la fin du troisième acte, c'est entendu, » fit le comte pour se débarrasser d'eux. Guy de Maltaverne venait de laisser Andrea en tête-à-tête avec Désir et Mouton et allait prosaïquement prendre un boc au café. Montdieu lui prit le bras et l'arrêta. « Vous avez besoin d'un millier de louis ?» lui demanda-t-il sans préambule. « Toujours !» répondit le viveur des cavés dont l'œil s'alluma. « Je m'en doutais, presque. Et je les tiens à votre disposition moyennant un petit service. » « Parlez, comte. Les fonds sont terriblement en baisse et je suis à votre disposition. Que faut-il faire ? Connaissez-vous par hasard un nommé Maurice Vandol ? Peintrier de son état. Parfaitement. Il était témoin de Bérézov quand vous l'avez manqué. Il se trouvait tout à l'heure dans une avant-scène avec une charmante jeune femme dont je ferais bien... »« C'est ma fille !»« Prenez que je n'ai rien dit. » »« Vous allez vous arranger de façon à le provoquer et à le tuer après-demain. Vous entendez? Le tuer tout raide. Je ferai mon possible. Mais vous savez, comte, on n'est jamais absolument sûr de cela. Vous vous battrez dans un endroit que je vous désignerai. Moi, de mon côté, j'aurai là des gens à moi pour terminer le cas échéant votre besogne. Un assassinat? Pourquoi pas? Il y a des témoins, les médecins, des gens bien indiscrets. C'est scabreux. Je me charge de tout. Ce Godelureau est condamné. Il faut qu'il meure et il mourra. L'essentiel est de l'amener à l'endroit où la chose doit s'accomplir. Ma foi, mon cher comte, vous avez une telle façon de tout arranger que c'est plaisir de travailler pour vous. Dorès est déjà le barbouilleur est mort. Parfait. Vous viendrez toucher la somme à la caisse de mon oncle aussitôt le duel terminé. Maintenant, je vous laisse vous débrouiller pour la provocation. Le comte de Mondieu partit alors pour regagner son fauteuil en souriant méchamment, tout en répondant au Vauverny qui l'assommait de questions. Je vous présenterai tout à l'heure à la belle inconnue. Maurice Vandol, appelé par un signe imperceptible de Germaine, arrivait en même temps dans le couloir avec la hâte bien naturelle d'un homme désireux de connaître son sort. Il y avait un certain nombre d'habits noirs qui allaient et venaient en commentant la pièce et en s'interrogeant sur Germaine, dont le succès allait croissant. Guy, qui observait sournoisement du coin de l'œil toutes ces évolutions, vit venir Maurice marchant vite et se frayant un passage à travers ses oisifs bourdonnants comme un clan de hannetons. Au moment où le peintre se trouvait derrière lui presque à le toucher, il se retourna tout d'une pièce et surhumainement le heurta du poitrail qu'il faillit le renverser. « Butor !» s'écria Maurice, auquel échappa malgré lui cette épithète malsonnante mais excusable par la violence du choc. Guy de Maltaverne, qui comptait là-dessus et avait manœuvré en conséquence, leva la main et de ses doigts effleura la joue du peintre qui poussa un cri de fureur en recevant cet outrage. Guy ricanait et disait en même temps « Ce jeune homme a besoin d'une leçon de politesse et de maintien. Je la lui donnerai. » D'ordinaire, ces voix de fait anodines et toutes conventionnelles suffisent à amener la provocation et l'affaire dite d'honneur. Un homme de sens droit se demandera sans doute pourquoi deux mondains se croiront obligés à se tirer du sang après un simulacre de soufflet et non pas après un solide coup de poing ou même de coup de pied. Pourquoi un coup administré à poing fermé sur un museau déplaisant n'est pas considéré comme susceptible d'amener un duel tandis que la gifle doit être immanquablement suivie d'un cartel. Le gnon serait-il plus noble que la beigne? Mystère et convention. D'ordinaire, le simulacre suffit entre les deux high-life-eux. Mais Maurice, peuple d'origine, d'instinct et de sympathie, de sang vif d'ailleurs, s'emballa, prétendant avec raison qu'une insulte faite devant témoin doit être vengée sur le champ, quitte à lui donner suite en temps et lieu. Il ramena ses deux bras en croix sur sa poitrine et un rude boxeur qu'il était détacha en plein visage à Guy un de ces coups de poing qui font la joie des professionnels. On entendit un bruit mat et le nez en bec de corbin du gentilhomme, aplati par le poing de l'artiste, rougit, bleuit, puis laissa couler sur le plastron blanc un jet de sang vermeil. Cela fut instantané comme la pensée, de telle façon que nul ne songea à s'interposer. Guy, à demi assommé, poussa un cri de rage et voulut s'élancer. Des gens qui entouraient les pugilistes se jetèrent entre eux, paralysèrent leurs mouvements et empêchèrent ce combat où le sire de Maltaverne certainement n'eût pas brillé. Il en fut heureux, au fond, et la bouche tordue par son rictus mauvais balbutia d'une voix que la fureur étranglait. « Je vous traînerai sur un autre terrain, et je veux perdre mon nom si vous n'y laissez pas vos os. À votre service, riposta Maurice, et je vous jure bien que vous aurez de la peine à me saigner comme un poulet. » On échangea les cartes, et les deux ennemis s'en allèrent chacun de leur côté, Maurice dans la loge de Germaine, Guy, bassinant son nez, rentra près d'Andrea, qui lui dit en gouaillant « Tiens, t'as écopé ?»« Ce n'est rien, laissons cela. »« Mais si, c'est quelque chose, puisque le sang de tes nobles aïeux est en train de siroter au bout de ton piton. »« Dieu que t'es laid avec ton museau aplati. »« Celui qui m'a frappé le paiera cher, et j'en connais qui ne voudrait pas être dans sa peau !» ajouta le baron d'un air sinistre. Andrea reprit en ricanant. « Tu sais, mon vieux, t'en vas la cruche à l'eau qu'à la fin elle se casse. » Faudra prendre garde. Et toi, mouche à bœuf, tu vois un héros. Sa succession est ouverte, et s'il lui arrive malheur, tu peux faire bâiller à deux battants la porte de ton coffre-fort. Je me charge de le vider. Va toujours, ma fille, reprit Guy, et n'escompte pas ma mort. Tu sais si j'ai la main malheureuse, si j'en ai couché sur l'herbe et qu'ils ne se sont pas relevés. Pendant ce temps, Maurice, au comble du bonheur, apprenait de Germaine que le père de Suzanne, enfin convaincu, ne mettait plus d'opposition à leur union. Cette nouvelle était pour lui tellement inespérée qu'il ne pouvait pas y croire, tant il avait souffert depuis cette lettre où Suzanne lui avait signifié le refus brutal de son père. Aussi, témoignait-il à Germaine une reconnaissance infinie, et avait-il hâte d'accourir près de Suzanne lui annoncer la bonne nouvelle. Bientôt, il partait, ivre de joie, et songeant à la rencontre qu'il devait fatalement avoir avec Guy de Maltaverne. « Ah, maintenant, je suis sûr de vaincre, » disait-il, « car je veux vivre pour Suzanne, vivre pour notre amour. »